Bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Gemozo 107 FM. Sachez que vous pouvez nous écouter également depuis notre site www.radiogemozo.fr ou via appli gratuite de vos téléphones. Et aujourd'hui, avec nous pour un voyage côté littérature, j'ai le grand plaisir d'accueillir un presque habitué maintenant, Alain Sainteau. Alain Sainteau, bonjour. Oui, bonjour Léa. Comment ça va ? Très bien, alors, malgré la neige de ce matin. Eh oui, c'est vrai. Merci beaucoup d'être avec nous, en tout cas, aujourd'hui. Merci. Pour nous parler... C'est un plaisir. c'est partagé. Pour nous parler de toutes vos actualités, alors on va faire un petit point, une petite présentation que nous étayerons tout au long de cette émission. Nous nous sommes rencontrés au Festival international du film fantastique de Gérardmer, édition 2018, auquel vous étiez déjà invité, car vous avez encore une fois été invité pour cette année. Oui. Vous aviez accepté l'invitation de Radio Gemozo à participer et vous aviez ensuite proposé une très belle émission, Les coulisses de l'insolite, où vous présentiez des faits historiques et leur envers du décor. C'était vraiment super. En tout cas, moi, j'adorais. J'étais pas la seule. Alors, vous êtes un ancien restaurateur et vous vous êtes installé en plein massif vosgien avec vos fidèles compagnons, c'est-à-dire oui. vos chevaux et vos chiens. Oui. Et vous avez fait la connaissance de toute cette magnifique région en toute saison. Vous êtes vosgien d'adoption, c'est ça ? D'adoption, oui, puisque je suis lorrain depuis la nuit des temps. D'accord. On a fait notre arbre généalogique dans ma famille. D'accord. On a, du côté de ma mère, qui s'appelle Champoigny, on a construit un village qui porte le nom de ma mère. Ah oui ? On a notre cimetière, notre chapelle. Ah oui, d'accord. Et tout ce qui s'ensuit d'une petite famille de, comment dire, nobliaux qui faisait vivre la région de Dorémy. D'accord, donc vous n'êtes pas tombé dans l'histoire pour rien, en non, fait. Hein. Non, non, j'ai toujours baigné dans les récits déjà d'éveillés de mes grands-mères. Oui. Parce qu'avant... Enfin, je viens d'avoir 59 ans, je ne suis pas si vieux, mais non. Bon, je me rappelle quand même, il y a un certain temps, où quand on partait en vacances, c'était à Mont-les-Trois notamment, donc Pagny-la-Blanche-Côte, il n'y avait pas encore la télévision, et on écoutait les histoires de mon grand-père notamment, qui était handicapé et toujours couché. D'accord. Et ça a nourri mon imagination, ça m'a donné le goût de la lecture... Et je suis toujours parti dans mon monde, justement, d'histoire. D'accord. Voilà, jusqu'au jour où j'ai dû en inventer moi-même. Eh ben oui, donc vous avez déjà un beau parcours en tant qu'enfant dans cet imaginaire que oui. vous avez découvert, mais vraiment avec l'amour des lieux, oui. des faits historiques déjà tout petit. Exactement. Quand je suis dans un endroit, même en vacances, je dois savoir l'historique. Ah oui. Je ne peux pas partir. Enfin, je repars pas souvent en vacances, mais j'ai besoin de m'immerger totalement et de savoir où je suis. Et puis, je suis pas du genre trop à rester sur la plage ou des trucs, des choses comme ça. Donc, moi, je suis plutôt globe-trotteur avec ma canne et autres, au détriment oui. de beaucoup. Qui ne veulent pas me suivre. Ah, tant pis. Mais je leur ai permis le soir, en plus, voilà, c'est la richesse des vacances, c'est que chacun fait ce qu'il veut dans la journée. Ah, et puis, par contre, le soir, eh bien, je raconte, et puis tout le monde m'écoute, et ça n'en finit pas. Eh ben voilà. Donc vous étiez venu nous parler dans notre émission précédente de l'un de vos romans, L'Abbaye sans âme, parce qu'il y a eu oui. d'autres romans, vous n'en êtes pas à votre premier. Oui. Et est-ce qu'on peut en faire la courte synopsis oui, de ce premier sûr. Tome ? En fin de compte, je n'étais pas né du tout, je n'avais pas la prétention, entre guillemets, de devenir un jour écrivain. Et c'est des problèmes de santé il y a 14 ans, là je suis obligé de préciser pourquoi. Parce que dans mon restaurant, j'ai fait sur 6 mois 3 AVC. D'accord. J'ai perdu la presque totalité de la vue. Oui. Et j'allais perdre mon entreprise, naturellement, puisque je n'y étais plus présent. Et puis, j'ai un ami qui était cavalier professionnel qui m'a fait monter un cheval qui était dans le même état que moi. Et donc, à 44 ans, à l'époque, monter à cheval, quand vous ne pratiquez aucune discipline sportive, c'est pas évident. C'est pas aisé. Et puis, voilà, je suis tombé amoureux d'un cheval qui devait partir à l'abattoir. Donc, pareil, aucune prétention d'être un jour propriétaire d'un cheval, parce que c'est un certain budget quand même. Oui. Et là, j'ai cassé ma tirelire pour pouvoir le sauver. Et c'était un pur sang anglais, réformé des courses. D'accord. Alors pour quelqu'un qui n'a jamais pratiqué l'équitation, c'était pas très évident. Donc j'ai pris des cours, 2 heures de cours privés par semaine. Je rentrais au restaurant complètement tétanisé, mes muscles souffraient et autres. Et j'ai guéri grâce à cette thérapie. Et ce cheval-là aussi, on est devenus, entre guillemets, amoureux l'un de l'autre. Oui. Et en fin de compte, l'équitation m'est devenue indispensable pour vivre. Donc, je n'avais aucune, éducation équestre. Mais naturellement, il y avait des choses qui ne me plaisaient pas dans le monde de l'équitation. Mmh. Et puis, un jour, on m'a dit, si tu veux en parler, il faut que tu passes tes galops déjà. Ah oui. Alors, je ne sais pas... Mes amis me connaissent, il suffit de me lancer des défis et là je suis très pugnace, silencieux et très pugnace. D'accord. Donc voilà, donc j'ai pris un prof, on est devenus vraiment très amis après, et je lui ai dit, on s'est tutoyé, ce qui était rare, et je lui ai dit, tu m'emmènes en haut de, je veux avoir mes 7 galops. Ah oui. Ouais. J'ai 3 ans pour ça, mais tu peux me gueuler dessus si tu veux, autant que tu veux. Mais moi qui n'ai aucune autorité ni familiale, en tant que... employé, etc. Employé oui, et oui. autres, j'acceptais une autorité pour accéder justement à l'étape que je voulais. Quoi. Et donc, ça a pris 3 ans. Ça a été terrible. J'ai tout raconté dans ce livre qui s'appelle « Mes chevaux, mes amours ». Oui. Et c'est vraiment le carnet de confidence d'un adulte néophyte cavalier. D'accord. Avec toutes ses appréhensions, ses chutes et l'humilité dans laquelle on doit avancer pour pouvoir justement se faire, entre guillemets, remarquer. Et là, j'avais une amie journaliste à Lyon qui a lu ce carnet. Et elle m'a dit, il faut à tout prix que tu le fasses éditer. D'accord. Ça peut aider des tas de gens. Oui. Donc moi, j'étais dans mon restaurant, elle m'a aidé. Je n'arrivais pas à écrire. Enfin, j'ai perdu le cheval. Ah, d'accord. Donc ça a été difficile. Ça a été une violence inouïe pour moi. Et je me suis isolé 15 jours et j'ai sorti 17 cassettes. Je partais avec mes chiens en forêt, oui. donc autour du moulin Tacré. Donc voilà, c'est comment j'ai découvert les Vosges. D'accord. Dans un gîte. Et je partais en forêt et j'ai sorti 17 cassettes qu'on a sorties ensuite en livre. D'accord. Que j'ai vendu après dans mon restaurant et dont tous les droits d'auteur m'ont servi à sauver 7 chevaux oui. qui étaient destinés à l'abattoir. Donc des chevaux souvent traumatisés par leur vie passée et je travaillais avec une jeune femme de Flavigny qui s'appelle Théodora qui faisait des choses magnifiques pour les enfants autistes. D'accord. Et j'ai offert ces chevaux à différents enfants qui avaient les structures adaptées personnelles. Et je les suis, là on en a perdu une, Guapa, mais je suis toujours Flash, Ilios et autres. Oui. Et ces enfants deviennent adultes et pareil... sont totalement épris de leurs chevaux. Voilà. Ça apporte beaucoup de choses à ces enfants-là oui. d'être en contact oui. avec les Alors, chevaux. Alors j'ai passé mes 7 galops, donc tout ça pour finaliser. Oui. C'était pas évident, parce que 7 galops de dressage, hein, c'est quand même très haut niveau, autant en pratique qu'en théorie. Mais j'avais ce cheval-là qui s'appelait Simon et après Leader, et il est mort 15 jours après... mon passage de mon 7e galop. D'accord. Et ça a été aussi comparable que la perte d'un être humain. Oui, ça c'est sûr. Oui. Donc voilà, ce livre-là et sa photo est sur le livre et ça m'a permis justement d'approcher les gens, de oui. fréquenter. Et donc maintenant, j'ai mon cheval, mon nouveau cheval qui s'appelle Teke, oui. Donc, qui est un frison. Donc là, c'est une partie de joie et de plaisir. Donc maintenant, ça fait 8 ans que je l'ai. Et à force de sauver des chevaux qui avaient des problèmes, je me suis dit, je n'ai pas encore eu un poulain. D'accord. Et puis, j'arrivais quand même à 54 ans. Et puis, je me suis dit, c'est certainement mon dernier cheval. Donc, j'avais un rêve, c'était de m'offrir un frison. Oui. Donc, je suis allé le chercher en Hollande, puisque c'est en Frise, hein, pays des frisons, l'emblème de la Hollande. Et c'est une race qui est en voie d'extinction il y a une soixantaine d'années. Ah bon, hein. D'accord. Et donc la reine les a sauvés et maintenant ils sont vraiment l'emblème du pays. Ah, ça c'est une belle histoire. C'est des superbes chevaux noirs avec des figures magnifiques, très altiers. Ça a été aussi, comme je suis passionné d'histoire, le fameux cheval d'Alexandre le Grand. D'accord. Qui s'appelait Bucéphale et qui a parcouru le monde entier dans les conquêtes d'Alexandre. Voilà. Et donc, c'est un petit livre pour enfants de 8 ans, dessiné. Et là, c'est vraiment une partie de plaisir. C'est les premiers vaccins du cheval. D'accord. Bon, voilà, moi, je fais beaucoup de chahuts. Il est devenu très ludique. Mais en même temps, on en reviendra tout à l'heure. J'ai dû aller quand même par rapport à la taille du cheval parce qu'il est devenu très grand et très têtu. Ah. Et moi, pas assez. Donc, j'ai dû avoir recours à une école de spectacle juste autour de Nancy, qui s'appelle le Mini-Saint-Michel. Et j'ai vécu pendant un an et demi avec des acrobates, avec des jongleurs, avec disciplines qui m'ont totalement passionné. Mais je vous avoue que je n'ai pas fait de voltige. Je m'estimais déjà trop âgé pour ça. Voilà. Et par contre, mon cheval était un très beau cheval donc de spectacle. Et il sait, quand on le photographie, donc il a des poses magnifiques, il fait le malin tout le temps. Et là, j'ai appris à faire du mimétisme, c'est-à-dire j'avance la jambe droite, il avance la jambe droite, la gauche, il avance la gauche, je recule, il recule. Et puis maintenant, donc je l'ai ramené dans les Vosges, à Lichamp, et j'ai un cabanon en forêt où j'écris. D'accord. Et donc Oute, qui est ma partenaire équestre, qui s'occupe de ce cheval, ouvre tous les box et les chevaux sont en liberté autour de moi, autour de mon cabanon. Et j'ai des photos où on a l'impression, mais vraiment, ils sont au-dessus de moi en train de regarder mon écriture. Dis-nous en plus, Alain. Ça, c'est chouette. C'est chouette. Alors, avant de continuer sur vos histoires incroyables, on pourrait faire des tonnes d'émissions avec vous. On va se lancer dans notre première bulle de son avec une chanson de Juliette que vous avez choisie, Le diable dans la bouteille. Et vous disiez que cette chanteuse, vous aimiez bien son style d'écriture et un petit peu les mots. Alors c'est moi, ça. Bon, vous savez, j'ai aussi un parcours d'antiquaire, de restaurateur, de cavalier, d'écrivain. Très éclectique, polyvalent. Oui, j'ai un ami qui m'a sorti dernièrement Alain et sa 8e vie. C'est donc, ça. Donc on n'est pas loin. Et donc j'approche donc les 60 ans et j'ai l'impression que ça va durer au moins 30 ans, donc il va falloir me supporter. Et donc je fréquente beaucoup de choses et j'essaie de le faire partager à beaucoup. Ah ben ça, c'est... Alors Juliette, j'aime bien parce que c'est une femme atypique qui n'est pas dans les normes, entre guillemets, de notre société. Oui. C'est-à-dire qu'on a tellement normalisé. J'aime bien les gens pas parfaits. Ah. Et j'aime bien les objets abîmés. Oui. Et j'aime bien les animaux abîmés aussi. Oui. Je n'aime pas du tout la perfection, la beauté. L'aspect lisse. Voilà. Par contre, j'aime le charme. Ah. Et le charme, ça sort de n'importe qui. Oui, ça c'est vrai. Donc voilà. Très belle parole. Voilà. Alors on écoute Juliette, Le diable dans la bouteille et on se retrouve juste après. Au fond de ma bouteille, un petit diable veille, pas plus gros qu'une abeille, plus noir qu'une corneille, et sa voix qui zézeille susurre à mon oreille les plus sales conseils déguisés en merveille. Un petit diable veille au fond de ma bouteille, me fait impératrice et me donne un royaume de sentiments factices, d'ivresse polychrome. Et Et pour guider mes pas, j'ai de nobles amis, Lady Margarita et Miss Bloody Mary. Et quand mes courtisans me promettent le ciel, je les crois vraiment quand ils disent que je suis belle. Mais ce ne sont que des ombres, et mon royaume sombre dans un méchant sommeil au fond de ma bouteille. Au fond de ma bouteille, un petit diable veille, pas plus gros qu'une abeille, plus noir qu'une corneille, et sa voix qui s'éseille susurre à mon oreille les plus sales conseils déguisés en merveille. Un petit diable veille au fond de ma bouteille. Il me fait oublier qui je suis et pourquoi je me donne à aimer le bourreau et la croix. Je ne connais que trop le nom des assassins, Seigneur de Curaçao et Monsieur Marasquin. Et quand mes courtisans me brûlent à petit feu, je les crois encore quand ils disent que j'ai vu mieux. Mais le miroir se brise et je vois sans surprise une petite vieille au fond de ma bouteille. Déguisé en merveille. Un petit diable veille au fond de ma bouteille. Un diable goguenard, un Satan dérisoire qui enfonce au hasard les clous du désespoir. Un petit diable veille au fond de ma bouteille. Au diable ce bavard et ses belles histoires, au diable ses merveilles et ses mauvais conseils. Si j'allais croire ce que ce diable noir susurre à mon oreille de sa voix qui voilà pour cette chanson pour le moins atypique, comme Alain nous avait prévenu. Voilà, c'est une belle découverte. En tout cas, nous, on aime bien les nouveautés, un petit peu ce qui sort de l'ordinaire. Donc là, on était pile dedans. Merci beaucoup, Alain, pour cette découverte. C'est une belle introduction sur le sujet que l'on va aborder. Oui. Puisque ça parle du diable. Ah oui. Et qu'est-ce que je viens de sortir ? Ah ben, vous venez de sortir La Baisse du diable. Exactement. Fin 2018. alors, édité par vous-même et oui. Une maison d'édition. Oui. Donc, il y a de l'auto-édition, voilà, quand même. Donc, en fin de compte, j'ai passé 3 années, assez difficiles. Oui. Au niveau de ma santé, c'est ce qui m'a fait écrire, puisque j'étais toujours couché. Et toutes mes lectures, je les ai mis à l'écriture. Et en fin de compte, je viens d'ouvrir... le monde littéraire est très anthropophage. Oui. Et je n'aime pas ça non plus. Bon, vous voyez, j'ai quand même du caractère. Ah, bah oui. Mon côté un peu calme et tout ça. Mais je fais tout dans le silence et je le fais fermement jusqu'à la fin. D'accord. Donc j'ai eu un agent littéraire comme tout le monde qui m'a pris mes 60% de mon livre, qui me restait 2 euros. Quoi. Ah donc, oui. Et ça, c'est le quotidien de beaucoup petits auto-édités. D'accord. Et c'est terrible. Et donc, personnellement, j'ai eu quelques réflexions avec Bernard Werber. Vous savez, les Thanatotes, oui, et tout, oui. Ça. Là, c'est la boîte de Pandore qui vient de sortir. D'accord. Donc, un grand écrivain par Michel Lafon. Il nous avait expliqué... comment les petits écrivains pouvaient émerger. Donc moi, j'ai choisi une de ces options, c'est-à-dire créer ma micro-entreprise. D'accord. Donc je peux maintenant naviguer où je veux, je déclare, parce qu'il y a une fiscalité aussi. Bien sûr. Je travaille chez moi. Donc j'ai deux correctrices universitaires qui sont bénévoles. D'accord. Je les appelle mes fées. On les salue. Donc le problème, c'est que quand elles lisent mes manuscrits, elles sont obligées déjà de lire parce qu'elles sont prises par la trame. Ah bah oui. Et seulement de le corriger après. Donc voilà. D'accord. Et puis ensuite, j'ai un imprimeur vosgien. Oui. Avec un papier recyclé. Vosgien. Ah, super. Voilà, c'est ce que je tenais, parce que moi, je suis tombé amoureux des Vosges, encore plus précisément, et je m'immerge totalement dans notre région, oui. qui commence à vraiment être connue. C'est vrai. Au niveau de... vous voyez, on a un prix littéraire. Oui. Et oui. On a la zone blanche qui vient de se terminer. Le film Perdu. Je crois que sur FR3, on a eu Stéphane Berg qui a fait un policier qui est passé. Ah oui. Ouais, qui est passé. Je ne l'ai pas regardé, mais je vais le regarder en replay. Donc on commence à se dire, mais les Vosges, ce n'est pas si mal que ça. Et puis il y a plein de questions qui m'arrivent lors de mes dédicaces. Il fallait que j'y réponde avec le plus de précision possible. Donc premièrement, là, je viens d'être intégré, et j'en suis fort satisfait, par la Société d'Histoire de Remiremont. Eh oui. Alors vous savez, je suis quand même timide dans tout ça. Et en tant qu'autodidacte, je n'osais pas aller vers des gens d'une certaine culture et des érudits pour moi. Oui. Et puis j'ai franchi le cap il y a quelques semaines et j'ai été accepté très très agréablement par les gens de la Société d'Histoire de Remiremont qui font vraiment énormément de choses. Oui. Et ça se passe dans une convivialité magnifique. Et donc je leur ai dit, bon, moi je suis simplement un écrivain de thriller, mais je veux en même temps amener l'histoire au lecteur de chez nous. Oui. Voilà. Alors je ne veux pas, entre guillemets, faire des livres ennuyeux, je veux que le lecteur soit pris dès la première page, c'est-à-dire par une fiction obligatoire. Mmh. Donc quelque chose de très addictif, un style que j'ai appris. Et dès la première page, c'est ce que tous mes lecteurs me disent, dès qu'on est dedans, on ne peut pas le quitter. Bon, j'ai des réflexions de mari qui ne sont pas satisfaits parce que leur dame tourne le dos vers la lampe de chevet avec le livre parce qu'elle ne peut pas le quitter. Ah. Enfin, j'ai des remarques très, très gentilles, quoi. Et puis, en même temps, j'attire beaucoup de gens, entre guillemets, atypiques, comme des sourciers, des rebouteux, des magnétiseurs. Des art-thérapeutes, des sylvothérapeutes. Eh oui, c'est génial, ça. Des tas de choses, des disciplines. Et puis, ces gens-là, entre guillemets, ils ont un certain éveil. Et puis, il y a des discussions qui se font. Alors, des fois, la dédicace, elle dure une demi-heure pendant que les gens attendent. D'accord. Mais bon, c'est le plaisir de la dédicace. Et tout ça, ça se confirme. Donc, mon premier livre, L'Abbaye sans âme, qui était vraiment écrit en dilettante, est devenu quand même un livre où on me dit « Ah ben, je l'ai déjà vu, j'ai déjà vu, j'ai déjà vu. » Et là, ça commence vraiment à prendre. Et puis moi, je me prends au jeu. Oui. Et donc, tous les matins, à 7h30 du matin, je suis en écriture chez moi. D'accord. Et puis, ça dure jusqu'à 15h. Après, il faut que je dorme. Et ensuite, je reprends de 18h jusqu'à 3h du matin. Eh ben, dis donc. Voilà. Il y a beaucoup de recherches, d'où justement l'intérêt d'être avec des gens qui peuvent vous amener des tas d'explications. Alors là, La Baisse du Diable, je l'ai vraiment écrit avec des archives du chapitre de Remiremont. Donc là, nous, en tant que Vosgiens, faisant partie de cette ville, on n'a pas expliqué que les dames du chapitre, c'était quand même les fameuses dames protectrices de la région. Oui. Qu'elles faisaient vraiment le bien, au détriment souvent de nos guillemets, entre guillemets, nos seigneurs. Oui. Et donc, je me suis dit... et puis, j'aime beaucoup les femmes, c'est-à-dire la place qu'on ne leur donne pas dans la société. D'accord. Et j'ai beaucoup d'amis, eux, qui sont féministes, sans l'être non plus, mais qui sont mères de famille, qui travaillent, qui, au détriment de leur passion. Et puis, ça se faisait déjà au Moyen-Âge. C'est-à-dire que les femmes, elles devaient aussi... comment dire, participer à des tas de tâches ménagères et oublier de s'épanouir. Oui, s'oublier soi-même. Voilà. Alors souvent, les maris guerroyaient, festoyaient, mouraient très jeunes. Ah oui. Donc ces femmes-là arrivaient, même entre guillemets aussi, les femmes du peuple, les femmes de la noblesse, arrivaient à 50 ans avec deux ou trois mariages. Ah oui. Donc en même temps, elles intensifiaient leur patrimoine... c'est-à-dire leur patrimoine de terrain, de richesse et autres. En même temps, elles avaient aussi le temps de converser. Et ces femmes-là vivaient vraiment avec les gens du peuple et nos saisons, c'est-à-dire qu'elles faisaient des cueillettes, elles faisaient des recherches, elles élaboraient des baumes, elles étaient confrontées au quotidien des maladies et puis du travail qui amenait pas mal de problèmes au niveau du corps. Et ces femmes-là... devenaient de plus en plus puissantes et l'Église a décidé d'éradiquer, sous l'appellation de chasse aux sorcières, toutes ces femmes trop savantes qu'on appelait des rebouteuses, des magnétiseuses, mais surtout des sorcières. D'accord. Et donc, au XVIIe siècle, à Remiremont, tout autour de Remiremont, on a eu... Là, justement, on est dans un emplacement où il y avait un tribunal d'inquisition. D'accord. Voilà. Et avec Nicolas Rémy, qui était l'inquisiteur, et son fils, pendant 50 ans, ils ont brûlé 3000 personnes. Ouh, en place du Val d'Ajol, en place de Remiremont, en place de Saint-Étienne-les-Remiremont. Et ils ont exilé 10 000 autres femmes. D'accord. Donc là, je parle d'une chanoinesse. Donc c'est l'histoire qui se superpose avec d'abord une jeune fille qui vient passer sa thèse d'agronomie sur Nancy-Brabois. Et par mémoire génétique, on se rend compte qu'on a des traumatismes ou des peurs qui remontent à X générations. Là seulement qu'on commence à en parler au CNRS. Et là, cette jeune fille, toujours attirée par les plantes, l'homéopathie, donc passe sa thèse d'agronomie à Nancy-Brabois. Et elle s'intéresse aux crues parce qu'elle sait que d'origine, elle était ajolaise. D'accord. Et donc, elle commence à faire les archives et autres et elle se découvre une ancêtre. Une ancêtre qui vivait à Fémont et qui était chanoinesse apothicaire au sein du chapitre. D'accord. Et là, elle retrouve, dans des tas d'aventures mystérieuses, elle retrouve les souterrains, le laboratoire secret et les travaux de cette femme qu'elle va reprendre et réessayer dans les laboratoires du CHU. D'accord. Et heureusement, enfin voilà, bien heureusement, ces recettes qui ont été élaborées trois siècles auparavant fonctionnent. Avec des plantes qu'on trouve partout. Ah. Avec des saisons sur laquelle, dans lesquelles il faut les cueillir. Oui, oui, oui. Et donc, elle va se retrouver confrontée là avec certains problèmes avec les locaux et les industries pharmaceutiques. Uh-huh, il y a toujours un petit air de révolution actuelle. Ah, d'accord. Alors donc, j'ai travaillé dans les archives des abbesses de Remiremont, j'ai travaillé dans les archives de Nicolas Rémy, l'inquisiteur, et puis dans les procès de sorcellerie qu'on a vraiment eu dans notre région. Donc se superpose, chapitre par chapitre, l'histoire à l'intérieur de l'abbatiale, et la réponse arrive, ou l'autre question arrive, sous le chapitre d'après, par cette fameuse Claire qui avance dans ses recherches, justement. Ouais. Ben dis donc, donc c'est très addictif. Ça se termine à Plombières-les-Bains, donc entre guillemets chez moi, et dans des souterrains que moi seul connais. Ah ouais. Ils existent vraiment, ces souterrains? Oui. Oh. Oui, mais j'ai des relations qui font que personne... n'en connaît vraiment l'existence officielle. Et puis, j'ai rencontré des vrais rebouteux, des vrais magnétiseurs. D'accord. Qui m'ont ouvert leur maison. Je suis rentré dans des contextes totalement atypiques qui pourraient nous dire qu'on n'était plus au XXIe siècle. Ah bah ça, c'est sûr. Ouais. Vous n'écrivez pas au hasard, en fait. Hein. C'est vraiment... Non. En fin de compte, il y a toujours un sujet d'actualité. Oui. Mais en même temps, il y a l'histoire, parce que l'histoire se répète et on oublie notre histoire. Et le problème, c'est ça. On fait les mêmes erreurs parce qu'on oublie tout le temps notre histoire. Et voilà, c'est mon rôle, je pense, de réveiller un peu, regarder les périodes troublées dans lesquelles l'on vit. Mais ça, c'est sûr. Bon, après, il ne faut pas beaucoup pour être heureux aussi. C'est vrai. Les épreuves sont formatrices, je pense que vous le savez aussi, et on trouve le bonheur au fur et à mesure de ces épreuves et pas de ces bonheurs. Les bonheurs, d'abord, c'est éphémère. Et puis le bonheur, qu'est-ce que c'est ? C'est éclater un jour. Non, c'est un bien-être continu, le bonheur. C'est ça, une vie sereine. Et j'en profite, moi, depuis que j'ai découvert cette philosophie. Et je suis heureux tous les jours. Ah bah c'est super. Et je fais passer ça à travers mes livres. Ah bah c'est génial. C'est génial. On vous remercie pour ça. Merci. Alors avant de continuer encore plus loin avec vous Alain et dans tout ce que vous nous dites, hein, c'est tellement enrichissant qu'on n'a même pas envie de s'arrêter. C'est gentil. On espère que vous reviendrez pour nous faire quelques chroniques, hein, parce que vraiment oui, c'est... vous venez de me proposer quelque chose. Voilà. Donc. c'est vraiment addictif même quand vous parlez, on est vraiment plongé, vous avez quand même un don, quelque chose particulier. Vous savez que je ne m'aime pas et je n'aime pas ma voix. Ah bon ? Ah oui. Ah bah vous avez tort pourtant, ouais. Ouais, ça passe très bien et on est vraiment captivé par ce que vous dites. C'est très gentil. C'est sincère. Alors vous aviez choisi Natacha Atlas pour Mon ami la rose, une reprise rail. Oui. Hein, pour amener un peu plus de tolérance. Voilà, pourquoi pas. À l'origine écrit et chanté par Françoise Hardy. Tout à fait. Et qui relate un peu notre vie. D'accord. C'est-à-dire qu'elle commence, elle est belle, elle finit, on s'étiole. Mais il faut quand même qu'elle soit la plus belle possible. Je m'occupe encore de ma grand-mère qui a 97 ans, ah oui, en maison de retraite à Cornimont. Et elle n'arrive plus à se mouvoir, mais elle arrive encore à parler. Oui. Et on rit encore. Ah bah ça c'est super, c'est super. Alors on écoute cette reprise de Natacha Atlas et on se retrouve juste après. On est bien peu de choses. Et mon amie la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore je suis née, baptisée de rosée. Je me suis épanouie, heureuse et amoureuse. Au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle. J'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. Et voilà pour ce petit tour du monde, j'ai envie de dire, parce que ça représente un petit peu ce que vous faites aussi, hein, l'esprit occidental, rail, ça fait voyager. Oui, c'est ça. Ça amène aussi du soleil. Ah bah oui, là, ouais, ça fait du bien. Je pense qu'on a une fin de semaine, il paraît. Ah bah ouais. Tant mieux, quelle bonne nouvelle. Ouais. Quelle bonne nouvelle. Alors, l'Abbesse du Diable, donc, c'est le nouveau thriller vosgien donc, que vous venez de sortir. Est-ce qu'on le trouve déjà d'ailleurs ce livre? Oui, on commence à le trouver, mais c'est vrai qu'entre l'écriture, je fais tout moi-même, donc ouais. Voilà, quand vous me disiez, vous aimiez beaucoup j'adore. La couverture. Ouais, j'adore cette, femme, cette, ouais. cette première après, quand couverture. Vous l'aurez lu, vous comprendrez pourquoi était cette couverture. D'accord. Et je fais tout moi-même, c'est-à-dire je recherche même l'écriture avec des lettres gothiques à l'intérieur, avec des sigles qui veulent dire... certaines choses secrètes et puis en même temps je suis tout le temps bon alors moi j'hiberne janvier, février, mars, oui. avril mais enfin je suis quand même sorti hein. mais c'est là où j'écris donc d'accord. Là il faut que j'arrive à sortir un livre le livre de l'année pour nous. Oui. Et puis quand commence à fondre nos glaces, je commence à ressortir vraiment. Oui. Et là, je suis en dédicace. Mais j'ai la chance d'être invité au fur et à mesure de mes visites. J'ai la chance d'être invité dans de nombreuses abbayes. D'accord. Alors moi, je suis pas, voilà, je suis pas, je prône rien du tout au niveau de la religion. Oui, oui, oui. Mais par contre, il y a des endroits qui vous amènent une paix, un silence. Et ces endroits-là sont souvent des monastères. Mm-hmm. Et il y a des séjours des fois où on peut avoir une chambre et on fait ce que l'on veut, tout en respectant l'endroit. Et à force de fréquenter ce genre justement de monuments, j'ai noué certaines relations avec des frères, des religieux et autres. Oui. Et ce qui me permet de rentrer par des petites portes qui ne sont jamais ouvertes. Tout à fait. Donc, je parcours des livres, des incunables, des grimoires, des parchemins. Et je suis en train d'apprendre le latin. Là, c'est génial. Oui. Et je découvre des secrets, je découvre des choses cachées. Je sais ce que c'est que le sceau papal, je l'ai vu en vrai. D'accord. Qu'est-ce que c'est le sceau papal? Du temps des Templiers. Oui. Donc voilà, je parcours les pays cathares. Donc la philosophie cathare m'intéresse beaucoup. Oui. Je connais par cœur aussi, un peu en dehors de nos frontières, j'ai fait la traversée du Sahara égyptien à cheval. Oui. Avec des accompagnateurs, naturellement, mais la visite des monuments à cheval et la traversée du désert sur son cheval, tout ce que ça incombe, chaleur. Mais par contre, j'ai rencontré des philosophes, c'est-à-dire des gens, des sages, qui m'ont raconté le cheval, le pur sang arabe, ce que ça représentait pour eux. Mais en même temps, moi, Vosgien, qui vis dans les sapins, je me suis dit, je ne tiendrai jamais le coup. Parmi ces dunes de sable, entre guillemets, insipides et monotones. Oui, oui, oui. Et j'ai appris à aimer le désert. Ah. Ouais. Il m'a fait voir des tas de choses... qu'un œil seul averti peut comprendre. Et j'ai appris à aimer le désert. Eh ben, dis donc. C'est un silence, c'est une paix, et c'est la même chose que j'ai retrouvée dans les monastères. Oui. Voilà. Oui, oui. Et comme quoi le monde est vraiment universel si l'on avance par la musique et par l'écriture. Ah ben oui, ça c'est vrai. Et donc, je suis allé à la Grande Chartreuse, je suis allé à l'abbaye de Trémiers en Suisse, enfin à côté de la Suisse, Chambéry, fond froide, magnifique, et bientôt Sénanque, l'abbaye entourée de lavande, et qui a justement un gros problème, c'est-à-dire que elle est du XIIe siècle et ses murs sont en train de s'écarter et ça demande d'énormes travaux. Ah oui. Mais les moines sont toujours en activité à l'intérieur. D'accord. Et produisent de la lavande, l'huile de lavande et tout ça. Ah, ça c'est chouette. Donc voilà, pour mon côté recherche. Et oui, ça on savait que vous étiez féru de recherche et puis que vous aimiez bien retranscrire tout ça à l'écrit. Il faut que je touche, c'est pas par ordinateur, j'ai pas d'ordinateur, je vous l'ai dit là. J'ai juste une tablette. Alors par contre, si certains veulent être amis avec moi, il n'y a aucun problème parce que je fais partager mes visites au sein de tous les endroits que je parcours, que d'accord, j'étudie. À travers votre page ça Facebook. Ça vaut vraiment le coup. Ouais. Des livres qui peuvent faire 2 mètres de hauteur et qui pèsent 30 kilos. Oui. Donc je les partage sur ma page Facebook, puis en même temps ma passion du cheval, mes dédicaces, voilà, donc Alain Sainteau, Facebook. Eh oui, on vous retrouvera aussi donc sur Facebook grâce au podcast de cette émission qui sera super, vous m'enverrez, j'espère. Bah, bien entendu, et on vous identifiera dessus, et comme ça, voilà, les gens qui seront intéressés pourront cliquer sur ce petit lien et vous retrouver sur Facebook, vous demander en ami, etc., etc. Voilà. Donc La Baisse du Diable, c'est bien le tome 2 Non. Non, justement. C'est différent. Alors je voulais prévenir parce que franchement, voilà, j'ai la suite du tome de du tome 1, c'est-à-dire l'abbaye sans âme, sort à la fin du mois de mai. D'accord, donc c'est deux romans différents. Les droits d'auteur vont être vendus, ont été pré-signés par une chaîne de télévision belge. Ah. Donc voilà. Voilà tout ce qui m'arrive dans cette année, quoi. Ah mais dis donc, c'est quand même. Donc j'ai une promesse d'achat et on m'avait demandé de sortir en 2 tomes pour pouvoir laisser l'empreinte dans l'esprit des gens qui visionneront dans 1 ou 2 ans ce téléfilm. Waouh. Voilà. Alors 2e tome, il est hyper addictif. Alors j'ai passé une très très très mauvaise nuit. Je vous l'ai dit en arrivant. Cette nuit, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait. Ah. J'ai tué quelqu'un. Ah bah mince, ça c'est moche. D'un coup de crayon, je lui ai enlevé la vie. Aïe. Un de mes protagonistes. Et voilà, il a disparu. J'ai eu beaucoup de mal à l'assumer. Et c'est marrant. Mais que... j'ai tué quelqu'un. Et j'attends la gendarmerie à tout instant pour une enquête. Au sein des Imaginales, il y a parfois des conférences. Et justement, l'année dernière, il y avait une conférence sur l'écriture et ses personnages, etc. Et beaucoup d'auteurs disaient que c'était difficile de tuer un personnage au sein d'un roman. Surtout un personnage sympathique qui nous accompagne depuis 1 an et demi. C'est ça. Et voilà. Bon. Donc il est dans mon cœur, mais d'un coup de crayon, je l'ai tué cette nuit. Bon. Ouais. Vous serez d'ailleurs présent au sein de cette nouvelle édition des Imaginales Non. Non, parce que c'est très compliqué pour voilà. D'accord. J'ai pas fait ce qu'il fallait déjà, et puis je trouve que c'est un événement plutôt national, parce qu'il y a des grands auteurs. Oui, oui. J'y suis allé juste une matinée l'année dernière, et le régional n'intéresse pas vraiment, puisqu'ils l'ont toute l'année, les lecteurs. Donc ils sont plutôt intéressés. Par contre, j'y vais, le problème c'est que je prends mon porte-monnaie avec une somme bien, bien établie parce que voilà, j'adore Giacometti Ravenne, j'adore Glenn Cooper, Steve Berry. Oui. Voilà, moi, la lecture, quand j'ai le dernier Giacometti Ravenne, je préviens, donc le téléphone est coupé, je dois avoir un paquet de chips à côté de moi, et puis je dévore les 500 pages en 24 heures. Ah oui, d'accord. Et je veux écrire comme ça. D'accord, aussi. Ok. Ouais. Alors, on va refaire un petit point sur là où on peut vous trouver dans ces prochains temps. Est-ce que vous avez des événements à venir ou non? On va voir. Oui, j'ai un projet d'écriture aussi. Oui, on va voir ça tout de suite après notre 3e bulle très de son. Bien. Ouais. Comme ça, voilà, on fait une petite pause musicale pour nos auditeurs et nous-mêmes. Et on ça se passe retrouve. Vite. Hein. Et oui, ça passe vite. Je vous l'ai dit, on pourrait faire des tonnes d'émissions ensemble. Donc, cette fois-ci, c'est Jeanne Moreau, Le tourbillon de la vie pour Julie Jim. Pardon. C'est aussi une musique que vous avez choisie. Pourquoi ? Ah, j'aime beaucoup Jeanne Moreau parce que ça a été déjà une très belle femme et après, entre guillemets, elle est devenue moins belle. Mais en même temps, elle était toujours aussi resplendissante par ses textes, par sa présence. Oui. Et c'est ce qu'il faut comprendre de la vie, quoi. Oui, oui. Très belle philosophie encore une fois. Donc on écoute ce titre tout de suite et on se retrouve juste après. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets. Et puis elle chantait avec une voix qui sitôt m'enjola. Elle avait des yeux d'opale qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, mais mûr plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps. Je me suis réveillée en sentant des baisers sur mon front brûlant, des baisers sur mon front brûlant. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est séparé, puis on s'est réchauffé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revue un soir, ah là là, elle est retombée dans mes bras, elle est retombée dans mes bras. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Alors tous deux, on est repartis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés. Nous sommes toujours ensemble sur Radio Guémozo avec notre invité Alain Saintot qui est venu nous parler eh bien, de toutes ses expériences. Hein. Mais encore, on n'a pas encore fait le tour. Je ne sais pas si un jour on arrivera à le faire en fait, vraiment. Bah, si on fait notre rubrique, et oui. Voilà, les mystères de l'insolite, hein, c'est ça. Tout à fait. Tout à fait. Au mois de juin peut-être. Hein. Alors on verra, on se tiendra informé de tout ça. Alors un nouveau thriller est en préparation. Oui, hein, avec l'actualité de la région. Voilà, donc c'est l'histoire d'un... Juste derrière vous. Ah. Il est juste derrière vous. C'est le Saint-Mont. D'accord. Tout le monde connaît le Saint-Mont. Eh oui. Voilà, donc il y a différentes périodes du Saint-Mont. Alors, au mois de mai, enfin même un peu avant... On va fêter les 1400 ans de l'existence du Saint-Mont. D'accord. Donc par Saint-Colomban notamment. Oui. Et j'ai osé en parler avec un archéologue qui est réputé, oui, que j'ai rencontré à la Société d'Histoire lundi dernier. D'accord. Je craignais de lui dire ce que j'avais l'intention de faire, c'est-à-dire ma vulgarisation, entre guillemets, par... un récit très addict relatant un mystère sur le Saint-Mont. D'accord. Mais c'est que de la fiction. Oui, oui. Mais en même temps, je voulais une base très solide sur ce qui se passe au Saint-Mont, mm-hmm, c'est-à-dire tous les protagonistes qu'on a eus, tous les événements et toutes les découvertes qu'on vient encore de refaire. Donc j'ai eu la chance de parler avec M. Kremer, l'archéologue de Luxeuil et du Saint-Mont. D'accord. Donc, il est tout à fait prêt à me donner des renseignements historiques, justement pour que je monte cette aventure qui sera Malédiction aux fouilles du Saint-Mont. D'accord. Voilà. On a le titre en avant-première. Oui, c'est un peu ça, ouais. J'ai déjà le titre et j'ai déjà la page de couverture. Ah, ça c'est bien. Et comme je fais tout moi-même, je suis toujours en recherche. D'accord, vous avez déjà trouvé. Donc voilà, ça sera quelque chose qui se passera et je serai sûrement au Saint-Mont. Il va se passer plein de choses sur la commune de Saint-Amé. Hein. Oui. Et on va fêter tout ça. Donc moi, avec cette approche ludique de l'histoire et puis avec... d'autres historiens et conférenciers, puisqu'il y aura beaucoup de conférences. D'accord. Sur Remiremont d'ici quelques mois, sur le Saint-Mont. D'accord. Et c'est un endroit magique. Moi, ça m'avait tilté parce que je fais partie aussi de la fête du Parmont, du fort du Parmont. Je ne connaissais absolument pas. Mmh. Ce fort souterrain, vous êtes déjà allé, Lia ? Eh bien non, j'aurais bien aimé y aller. C'est le 14 avril, je crois, cette année. Et vraiment, c'est une ville souterraine. C'est vrai. C'est impressionnant. Et on ne la voit pas du dessus. On voit juste les allées et le dessus. Et en plus, il y a une association qui travaille énormément, beaucoup de bénévoles. Oui. Et ils sont en train de nous préparer un lieu qui domine tout Remiremont, ah, qui est magnifique, avec un panorama entretenu par des chèvres. Ah ouais ? Oui, vous avez des biquettes au-dessus de vous qui entretiennent toutes. Et puis, elles sont très... comment dire, cils, prévoyante, ouais. Elle ne tombe pas dans les vides, elle ne tombe pas dans les trous, et tout est nickel comme ça. Waouh! Voilà. Et donc le Saint-Mont, c'est pareil, j'ai une histoire aussi en préparation sur le Saint-Mont. D'accord. Et moi, on m'avait dit, il y a un an, on m'a dit, il y a deux entités qui gèrent notre vallée, c'est la montagne du Saint-Mont, qui s'appelait la Montagne Blanche, et la montagne du fort du Parmont, attention, oui. Qui s'appelait la Montagne Noire. Ah, voilà. Oula. D'accord. Donc je travaille beaucoup sur la période druidique celtique qui nous a amené énormément. Et là, c'est ce qui va se passer dans l'abbaye sans âme 2. D'accord. Là, je révèle naturellement toute la vérité. Ah. Et c'est vraiment... J'ai même le pape qui vient. Hein. Donc, attention. Oui, oui. Okay. Et puis, voilà. Et puis en même temps, on en parlait un instant. Donc, je voudrais sortir un roman un peu à la Juliette Benzoni, qui avait un prince antiquaire, Morozzini, qui était antiquaire sur les objets précieux, surtout sur les parures anciennes historiques qui habitaient à Venise. Et j'aimerais développer la même chose avec une femme qui sera antiquaire dans les années 50. D'accord. Qui, en même temps, sa coquine avec... un ancien d'Indochine qui, par toutes les horreurs qu'il a vues, devient moine. Ah oui. Et qui se spécialise dans les écritures anciennes. Et en même temps, un commissaire-priseur qui va aider justement les aventures de ces trois protagonistes à faire des recherches déléguées par des familles, officieusement de grandes familles, pour retrouver, mettons, le salon d'ambre qu'on n'a jamais retrouvé en Russie, le collier de la reine qui a été dépecé, mais moi, je n'y crois pas. Oui. Enfin, voilà des objets, des tableaux qui ont tout un parcours historique et qu'on n'a jamais vu réapparaître, aussi bien spoliés par les nazis que par Charlemagne. Enfin, voilà, tout ça. Oui, oui. Donc, une aventure... pareil, très addictive, mais dans un milieu, années 50, où il y avait encore toute une élite de la société, comme les Rothschild, comme Onassis, voilà, tous des gens qui nous font rêver maintenant, ça, quoi, d'un monde disparu. Ça donne envie, en tout cas. C'est tous mes projets. Eh ben, dis donc, il y en a... J'en ai un plus proche, je peux vous en parler. Eh ben, bien sûr, allez-y, il nous reste quelques alors, minutes. Alors, vendredi, samedi et dimanche... Oui. Vous savez, je vous ai dit que je faisais partie à un moment de l'école de Loïc au Ménil-Saint-Michel à Flavigny. Oui. Et là, il a construit un magnifique théâtre équestre dans des dimensions énormes, en pleine forêt. C'était son rêve. Hein. D'accord. Et donc, il m'a demandé de participer au spectacle, non à cheval, mais pour parler justement de l'ésotérisme et du mysticisme des chevaliers de la table ronde. Ah oui. Donc, je laisse Merlin encore un petit peu de côté, mais vraiment avec Percival, avec le roi Arthur, Guenièvre. Wow. Et vraiment, la dualité qui régnait dans le monde... Et il fallait tout le temps, il y avait du blanc, du noir, du yin, du yang, une dualité. Et c'est les chevaliers de la table ronde qui ont pacifié, donc par leur mission légendaire peut-être, où on n'a jamais attesté vraiment leur existence. Mais en attendant, elle était pour tous les gens de bonne volonté. Et là, je vais en parler un quart d'heure avant chaque spectacle. Wow, donc, super. Ça se passe ce week-end. Il suffit de taper Ménil-Saint-Michel. Et là, vous avez mes copains qui font vraiment de la joute chevaleresque sur des magnifiques chevaux hispaniques avec un texte. Et donc, c'est des spectacles qui se renouvellent tous les 3 mois. D'accord. Donc, je vais aussi faire ça. Quoi. D'accord. Là, ils sont dans un autre théâtre où ils parlent de Montaigne et le cheval. D'accord. Donc, vous voyez, c'est, eh ben, dis donc. C'est hyper passionnant. Ah, oui. Donc, il y a plein de choses qui arrivent et voilà, je cours partout. Ah bah oui, je vois bien. Je vois bien. En tout cas, je vous remercie de vous être arrêté pendant quelques temps avec moi. C'était un plaisir moi. Puisque c'était un de mes débuts et voilà. Ouais, c'est super. Mais là, je pars déjeuner avec un antiquaire qui va me raconter une histoire. Et après, je cours chez un bouquiniste qui va me trouver des tas de revues des années 1948 à 1980 pour justement étoffer mes aventures de ma fameuse... Parce que c'est encore une femme. Eh oui. De ma fameuse détective antiquaire des années 50. Super. Les aventures d'Alain. Oui. Eh ben, merci beaucoup Alain, en tout cas, de votre présence ici aujourd'hui dans la bulle pour nous parler eh bien, de toutes vos actualités. Hein. Ouais. Il n'y en avait pas qu'une. N'oubliez pas La Baisse du Diable, ce nouveau thriller vosgien qui vient tout juste de sortir. Voilà, oui, et puis dans 3 mois, l'Abbaye sans âme tome 2, puisque voilà. Beaucoup de gens le réclament. Oui. J'avais laissé mon adresse mail sur mes livres, oui. Donc il y en a déjà pas mal de réservés. D'accord. Et puis voilà, moi j'ai aucune prétention à être un auteur un jour national. Je préfère naviguer petit, oui. Mais en attendant chez nous, parce que il y a un public et oui. On aime notre région qui est très mystique. C'est vrai, c'est vrai. Et on vous remercie de mettre tout ça à l'honneur et puis de dévoiler certains secrets. C'est merci. Vraiment chouette. Merci beaucoup Alain, à très très bientôt. Hein. Très bientôt. Et pour tous nos auditeurs, eh bien, on se retrouve demain dans Minute Bonheur à 8h et 13h30 et je vous parlerai de l'automassage et puis pour la bulle, eh bien, on se retrouvera lundi prochain. Très belle continuation Alain et puis à bientôt. Merci. Thank you.